casa, hombre. Buscando la vida. Es una contagiosa, mi hermano, dice. Aprovecha tu cosa. Salsa. Dem chita, wa fem passe un trai à la misère pour un jeune garçon, pas v'le travail, mais li bito fait youl, ou kutiria, ou pas j'en m'amouel, ma y mouler, ou pas ouel pas bokit, tous gren banon, sous coffre l'estomac moi, aïe, aïe, aïe, ma wan chéri moi, y'a ti pitié pour tout le monde chante. Pas femme, pas c'est misère. Depuis matin, vous levez au sorti. Les retournez, tout n'a qu'un autre Mathieu. C'est youl, c'est youl. Gagnez bagay, aïe, gagnez bagay. Gagnez bagay, pas comme vous expliquer. C'est moi qu'on est, moi dis c'est moi qu'on est. C'est moi qu'on est, ça va faire femme subir contre tout le monde. On y va tout le monde comme ça. Comme ça. Bougez comme ça tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à chanter? J'ai beaucoup appris des choses aux Antilles. J'ai quelque chose de tout à fait particulier à vous dire. Sauta la vela. On chante d'abord si vous voulez pour moi. Sauta la vela. Mon frère Wally, mon frère Manu, monsieur moi content ouais nous, merci si la merci Bokana. Moi dis moi content ouais si la content ouais Bokana. Moi content ouais si la moi content ouais Bokana. Moi content ouais Wally, moi content. Moi dis moi content, moi content tout le jour. Yay! Yay! Yay boy!